êtes bien sur l'émission Les Bons Plans Solidaires, une émission présentée par le groupe GSA d'Arélia. Émission un petit peu spéciale encore aujourd'hui, puisque Lionel n'est toujours pas revenu, donc c'est encore Caligula Minus qui s'y colle à la présentation. Pour aider Lionel à revenir parmi nous, je vous propose tout de suite une petite pause musicale avec Chantal Goya, Papa Mille Pattes. Voilà, de quoi aider Lionel à remarcher correctement pour revenir nous voir très prochainement, parce que je vais pas présenter l'émission tout seul indéfiniment. Donc aujourd'hui, nous avons la Dream Team au complet, c'est-à-dire juste Alain, et puis nous recevons des invités. Donc nous accueillons aujourd'hui Catherine Mailleux du Conseil départemental, qui viendra nous parler de égalité, fraternité, agissez sur la fracture numérique, et nous recevrons également Sandrine et Katia du groupe Arélia Médiation Familiale. Catherine Mailleux, bonjour. Vous venez de la part du Conseil départemental nous présenter EFA, donc Égalité, Fraternité, Agissez. De quoi s'agit-il ? Déjà, bonjour à tout le monde. Je suis référente territoriale insertion sur le territoire du Grand Nancy, au CD 54. Effectivement, depuis 14 ans, le Conseil départemental met en œuvre une semaine de sensibilisation et de prévention et de lutte contre les discriminations. Voilà, cette semaine, elle se passe du 22 au 26 mai. Et effectivement, cette année, le thème, c'est le numérique, le meilleur, pour le meilleur et contre le pire. Effectivement, il s'agit de changer de regard, de comportement vis-à-vis des discriminations. En ce qui concerne l'accès au numérique, les discriminations, elles sont là, l'exclusion numérique, la lutte contre tous les métiers, effectivement, les préjugés liés aux métiers liés à l'informatique, et puis tout ce qui est aussi l'usage des réseaux sociaux et tout ça, quoi. J'ai eu quelques questions du GSA en amont, donc je peux revenir dessus. Oui. Alain, il voulait me parler de ses 64 ans. Dommage, j'ai dit ton âge. Merci. Il était inquiété pour la retraite et de savoir avoir les informations pour sa retraite. Et comme maintenant tout passe par l'informatique, que malgré des cours qu'il a pris avec le GSA, il s'en sort pas trop bien et en plus il aime pas. Et du coup, c'est vrai qu'il existe quand même des lieux. On a quand même deux France services, un à l'Aix-sous-Provence et puis l'autre au plateau du Lièvre, où vous pouvez avoir accès à toutes les informations et une aide à l'accès aux droits surtout, puisque les personnes qui vous recevront seront formées, elles auront été renseignées et elles représentent tous les organismes, les institutions publiques, la CAF, la CPAM, la CARSAT, le Pôle emploi et tout ça. Et puis, il y a aussi tous les conseillers numériques que vous pouvez avoir dans les associations, les MJC, les centres sociaux. Arélia doit en avoir aussi des conseillers numériques. Et c'est facilement accessible parce que c'est en proximité. Sur la semaine EFA, on me demandait aussi un petit peu comment effectivement acquérir du matériel, ça a un coût. C'est pas toujours pour les personnes les plus fragiles quelque chose de l'accès à Internet, le matériel et tout ça. J'avais un autre membre qui me disait que son accès était limité, 10 € pour utiliser Internet, c'était pas assez. Il faut savoir qu'il y a des lieux aussi où on peut avoir accès à Internet, les médiathèques, les pôles emploi, enfin vraiment, il y a de multiples lieux en proximité qui permettent d'avoir accès à Internet gratuitement. L'autre chose aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des organismes qui vous aident à acquérir du matériel, puisque beaucoup de structures, notamment InfoCell, du LIS, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Qui récupère du matériel, il récupère d'ailleurs le matériel du conseil départemental, mais aussi de la métropole. Il les remet aux normes. Et puis, il y a une association, une autre association, Réciprocité, que vous devez connaître. Oui. Et les petits débrouillards et la piscine font aussi, oui. J'ai eu un ordinateur gratuit grâce à eux. Oui, c'est vrai, ils font aussi du don de matériel. Et du très bon matériel, révisé. Oui, tout à fait. Le seul problème, c'est que tu ne sais pas t'en servir. Voilà, les questions, la fracture numérique, on voit bien que c'est un sujet préoccupant. On me demandait aussi pour... vous me demandiez parmi vous comment accéder à des cours sans qu'on ait à financer des cours d'informatique. Il existe des chèques pass numériques qu'on peut avoir accès à Pôle emploi ou dans les CCAS. Sur EFA, eh ben oui, vous voyez bien, le problème était là, hein, l'accès au droit, l'accès au numérique, c'est un thème qui va être de plus en plus important, concernant notamment tout ce qui est la dématérialisation des démarches administratives. Et donc pour EFA, cette année, c'est le numérique pour le meilleur et contre le pire. Donc le programme, les points forts de ce programme, qui débute le 22, ben, par une séance d'ouverture, hein, au conseil départemental où il y aura une conférence. Le 22 avril ou mai ? Mai, 22 mai. D'accord. On est en avance sur l'information cette année, c'est assez rare. Et une conférence, une exposition sur les oubliés du numérique qui est très intéressante, je crois que c'est avec les petits débrouillards et puis la fabrique des possibles. Hein, sachez aussi que oui, c'est un lieu, la Fabrique des Possibles, qui coordonne tous les acteurs liés au numérique sur le territoire. Si vous avez pris des cours à la Fabrique des Possibles et que vous souhaitez quand même une information ou des demandes, il faut y aller, quoi. Il faut demander à la Fabrique, ils connaissent normalement tout ce qui se passe sur le territoire. Après la conférence, on aura la Métropole du Grand Nancy, qui va organiser 4 ateliers pour les femmes, 100% féminin, le numérique 100% féminin, pour favoriser effectivement l'emploi dans le numérique des femmes, à savoir création d'un site web, créer sa chaîne YouTube, quel métier je peux me diriger dans les métiers du numérique, et voilà. Après, nous avons eu tout ça avec des partenaires très intéressants, hein, Métropole du Grand Nancy. Nous avons eu aussi le Centre d'information pour les femmes, CIDFF, ainsi que le CRIL 54, Centre de ressources illettrisme, qui vont, en partenariat, faire une information sur un petit peu mieux maîtriser les réseaux sociaux. Actuellement, on entend plein de choses, notamment aux images, hein, l'intelligence artificielle et les images trafiquées. Donc voilà, c'est aussi pour prévenir aussi la fausse information, la fausse nouvelle. Nous aurons aussi le CRIL 54 qui va... utiliser le numérique, parce que le numérique a du bon, notamment dans l'apprentissage du français. Il va essayer d'inciter l'ensemble des bénévoles, formateurs, animateurs d'ateliers de français langue étrangère, pour que l'outil numérique soit aussi utilisé comme un outil d'apprentissage au quotidien et pas seulement dans les cours de français. On aura aussi pour les acteurs de l'insertion, hein, pour accompagner les publics justement qui se trouvent un petit peu démunis par rapport au matériel informatique, à Envie Entreprise d'insertion qui nous accueille avec effectivement Infocell et Réciprocité pour nous expliquer à l'ensemble des acteurs comment aider les personnes qui se retrouvent démunies de matériel informatique et comment on peut en faire un don et les récupérer. Et la dernière truc, vous parliez du tiers-lieu, la piscine, mmh, hein, et des petits débrouillards. Eh bien, ils nous accueilleront le vendredi pour, en journée, en continu, pour pouvoir faire réparer vos portables, vos PC, vos tablettes. Voilà, vous-même, accompagné par un conseiller numérique, mais qui permettra, voilà. Donc voilà, je vous encourage vivement à voir tous les descriptifs de ce programme qui se déroulera encore une fois, du 22 mai au 26 mai, sur le site du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Voilà, je vous dis... Pour tous les renseignements, il faut aller sur le site du conseil départemental. Alors, nous aurons un programme et des affiches qui vont arriver, mais comme nous sommes très en avance sur l'information... Bon, bah, merci beaucoup, Catherine Mailleux. C'est très intéressant. Nous serons certainement présents à... L'espère bien. ...à cette semaine. a du bobo, Léon. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon. D'abord, il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo, Léon. Il va peut-être canner, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort. Alain, tu nous as préparé une recette de chou-fleur cette semaine. Oui, c'est très simple à faire. Vous nettoyez le chou-fleur, vous l'ébouillantez à peu près 15 minutes dans de l'eau et du sel. Ensuite, vous le mettez dans un plat qui va au four avec une béchamel maison. Vous rajoutez du gruyère par-dessus et 25 minutes au four. Et vous allez vous régaler. On peut faire aussi en ce moment faire une purée de pommes de terre à l'ancienne avec des carottes. Ce qu'on appelle les pommes de terre à l'ancienne, c'est une espèce de pommes de terre qui sont un peu jaunes et rouges, qui ressemblent à peu près à des machins en longueur, là. Qui sont très bonnes, mais légèrement sucrées. Les patates douces, alors. La patate douce. Vous l'épluchez, vous la fuitez comme les autres pommes de terre. Ensuite, vous mettez les carottes dedans. Vous passez ça à la moulinette, dans une marmite. Vous rajoutez un morceau de beurre, et si vous voulez, des fines herbes et de l'ail. Vous la réchauffez 10 minutes et au dernier moment, mettez-y 3-4 grosses cuillères de crème. Régalez-vous tous, les gens. On peut aussi l'histoire de la tarte. Vous prenez un plateau rond à tarte de 30 cm. Vous y mettez de la pâte feuilletée. Vous, avec une poussette, vous piquez la pâte à tarte. Prenez des pommes golden. Vous les épluchez et vous enlevez le cœur et vous en faites des tranches que vous mettez en forme de soleil. Ensuite, on n'est pas obligé de se faire une mienne avec des œufs, du sucre et du lait que vous mettez au-dessus, que ça ne déborde pas, parce que quand ça va cuire, ça va gonfler. Et ça, à peu près 15 minutes, 15-20 minutes. Et vous le laissez refroidir dans le four. Autrement, si vous le sortez tout de suite, vous allez déjà vous cramer les doigts et le truc va se dégonfler. Alors, laissez-la au four, et une fois qu'elle sera demi-froide, vous vous régalez avec du fromage blanc, si vous voulez. Demi-froide, ça veut dire tiède, en fait. Voilà. D'accord, merci. La suite du programme. Aujourd'hui, nous recevons le service de médiation familiale du groupe Arelia avec Sandrine et Katia. Elles vont nous expliquer tout simplement de quoi il s'agit, qui fait quoi, qui décide quoi, puis nous dire comment faire pour ne pas taper sa femme ou poignarder son mari, des trucs comme ça, quoi. Alors, Sandrine et moi, on est des collègues de Lionel, hein, qui est absent. On travaille pour la même association, Arelia, et on a un service de médiation. Alors, quand est-ce qu'on toque à la porte de la médiation ? Alors, on peut venir de manière spontanée, si, alors pas forcément si on n'est pas d'accord avec son mari ou sa femme, plutôt si on a des problèmes de communication dans le couple, alors entre les parents. Si on est déjà séparé, on a aussi des problèmes de communication par rapport aux enfants. Ou alors, si on a des problèmes de conflit ou de non-communication avec le reste de la famille. Par exemple, les grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants parce que leurs enfants sont séparés, ou les enfants qui veulent placer leurs parents vieillissants et qui sont pas d'accord sur qui va payer l'EHPAD. Voilà, donc ça concerne tous les conflits familiaux. Nous sommes à votre disposition, nous vous offrons un espace de parole pour venir communiquer autour de ce conflit entre tous les membres de cette famille. Il est vrai que des fois, les mots conflit fait un peu peur. Hein. On entend aussi souvent des situations qui sont vraiment plutôt dégradées et que les personnes disent non, non, non, moi je ne suis pas, c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui fait le conflit. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement conflit pour nous quand on parle de conflit? C'est surtout quand il y a des risques de rupture entre des membres familiaux ou qu'il y a effectivement un événement qui qui fait que quand on s'appelle avec la boule au ventre, voilà tout ça qui fait partie de ça. C'est ce que nous on appelle le conflit. Alors nous, en tant que médiateurs familiaux, on a été formés en fait à cette au conflit. Si on veut, on est des experts de conflit et en fait, on accompagne les personnes à se dire hein, ce qui est essentiel pour chacun, sans que ça heurte l'autre. Hein. Ça veut dire que ça reste entendable en face. Hein. On est vraiment formés à la communication et en fait, on peut accompagner les personnes à se dire. Ça veut dire que le médiateur qui est au milieu de cette histoire complètement neutre, indépendant, qualifié, qui a eu un diplôme d'État, comme me le disait ma collègue Katia, reçoit chaque parole. C'est-à-dire que quelquefois, quand on n'arrive plus à parler à deux, puisque c'est trop compliqué, soit on lâche des insultes, soit on crie, soit on... Voilà. À trois, en triangle, comme ça, c'est plus facile. Donc nous, on a déjà entendu souvent avec Cathy, un monsieur et une dame qui se parlent plus depuis quand même un bout de temps, et qui disent « Madame, vous pouvez lui dire à monsieur que moi, je veux plus qu'il me téléphone ?» Ok. Donc des fois, ça peut commencer comme ça. Ça veut dire que nous, on se fait le porte-parole. On est assis dans une petite pièce en triangle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui est au niveau, plus haut niveau, ni le médiateur, ni le monsieur, ni la dame, ni deux monsieur, ni deux dames, tout le monde est au même niveau, et nous, on fait bien attention que chacun ait la même, ait le même temps de parole, que chacun puisse dire ce qu'il a à dire, mais on se charge aussi de reformuler ce qu'il vient de dire pour être sûr que l'autre a bien entendu ce qu'il a dit. Ah, madame, vous avez, ah oui, vous êtes en train de dire à monsieur que vous lui avez toujours reproché depuis des années qu'il ne participait jamais, jamais aux tâches ménagères. C'est bien ça, madame, que vous dites à monsieur. Voilà. Donc, pour être sûr que, alors, j'ai exprès pris l'exemple qui fait sourire Alain, mais en tout cas, voilà. Et après, quand les gens, sont en confiance, eh ben, peut-être qu'ils arrivent à expliquer, à dire d'où vient leur conflit. Et puis après, peut-être de, ensemble, établir des solutions qui pourraient permettre d'atténuer, voire d'arrêter ce conflit. Bah des fois, surtout moi en tant qu'étrangère, ça me parle, hein, parce que les petits accents que j'ai, j'ai appris le français à l'âge adulte, hein, je suis allemande. Bah des fois, on est carrément des interprètes et des traducteurs, hein, dans des situations où les personnes ils n'arrivent plus, plus à parler. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, il y a bien sûr des médiations familiales, quand on dit ça, l'espace-parole, on parle sur le conflit. Par contre, on n'est pas psychologue ni thérapeute. Il y a des différences avec ça. Voilà, je pense ce qu'il faut, c'est dire la principale différence avec la thérapie ou les consultations psychologues, c'est que ce sont plutôt des petits coups de pouce, en fait, pour débloquer une situation. Et pour trouver des solutions concrètes, ça veut dire la médiation, bon, je veux dire, il n'y a pas de règle, mais une moyenne d'une médiation, c'est autour de 3 séances. Hein, 3 heures et demie. 3 séances de 1 heure et demie. Et ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur non plus de solliciter un médiateur familial, parce que l'idée, c'est ne pas d'avoir une longue suivie de la durée. Même s'il n'y a pas de règle, il peut avoir une 4e séance quand même, hein, c'est pas ça. Mais c'est vraiment autour de ça, hein, cette différence avec les consultations psy ou thérapie. Et comme je disais aussi, on accroche avec le concret. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je vais prendre l'exemple. Ça reste quand même le cœur de notre métier, ce sont les parents séparés, hein, même si ce n'est pas que ça, mais des parents séparés qui, malgré leur divorce, se disputent encore toujours pour des sujets, la pension alimentaire, la garde des enfants, etc. Le pyjama dans le sac n'était pas remis à sa place, il manquait 3 paires de chaussettes, voilà. Voilà, et en fait, nous, on va essayer vraiment avec les personnes de trouver des accords à l'amiable. Hein. La médiation peut aussi avoir ça peut être une prévention des procédures juridiques. Hein, c'est ça aussi qu'il faut voir. Souvent, on sollicite un médiateur quand on a en tête reposer une requête auprès des juges des affaires familiales. D'ailleurs, même les tribunaux, aujourd'hui, en fait, dès qu'on pose une requête, aujourd'hui, on reçoit automatiquement une lettre du tribunal qui conseille une médiation familiale. C'est vraiment fortement conseillé dès qu'on a des choses à régler, des thèmes qui sont abordés en tribunal, peuvent être abordés au tribunal. Et les gens maintenant, avant de pouvoir être convoqués au tribunal, quand ils ont déposé leur requête, ils ont une lettre qu'ils doivent absolument faire une tentative de conciliation à l'amiable avant. Donc ça, pour nous, c'est vraiment intéressant. Quelquefois, les gens, ils ne sont pas prêts, ils viennent. Et comme ils sont dans un conflit et qu'ils veulent absolument que le juge tranche, ils ne seront pas prêts. Ils nous écouteront, ils seront polis généralement, hein, ils nous respectent. Mais ils vont, le juge va trancher et ça ne leur conviendra quand même encore pas cette situation parce que le juge, il n'aura pas tranché dans le sac s'il y a le pyjama, s'il y a toutes ces choses-là. Donc après, ils vont revenir en médiation. Mais du coup, comme il y aura une décision qui est prise, eh ben, ils vont être plus à même de discuter avec l'autre parce que ben, le juge, il n'a pas tout réglé. Ce n'est pas son job, lui, de tout régler. Voilà. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Katia tout à l'heure. Nous, contrairement aux psychologues et aux thérapeutes, on n'est pas dans le soin. C'est-à-dire que nous, les gens viennent, ils sont acteurs de leurs décisions. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout là pour donner des conseils. Moi, les gens, ils me disent, oh, bah, vous, madame, vous avez toujours à avoir des enfants, vous savez ce que c'est quand même, et puis votre mari qui... Voilà. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Nous, on est là dans... On leur offre un espace de parole et avec eux, on analyse tout ce qui est possible. Alors, ce qui peut aussi être intéressant, c'est que on analyse effectivement, monsieur et madame viennent, ils vont bientôt aller chez le juge, ils sont pas d'accord sur la pension alimentaire, sur comment on fait pour les enfants, mais ils échangent chacun tous leurs arguments. On met ça sur un grand paperboard, hein, ils échangent leurs arguments, ils sont pas forcément d'accord sur tout, peut-être quelques petits points, et après, quand ils vont chez le juge, eh ben, la décision pour eux est bien plus acceptable, parce qu'ils auront tout envisagé, et puis comme ils sont pas arrivés à se mettre d'accord, et que c'est pas notre job à nous, le juge, lui, il, à un moment, il tranche, et après, ben, ils sont bien plus satisfaits, parce qu'ils auront développé tous les arguments, et ils sauront que là, le juge, ben, il a tranché, voilà. Donc ça peut être aussi une préparation pour une décision de justice. Oui. Je peux vous poser une question? Ah, bien sûr, Alain. Le juge, on le paye, mais vous, est-ce que vous payez aussi? Alors, vous ne payez pas le juge, Alain. Quand vous déposez une requête auprès du tribunal, si vous n'êtes pas marié, excusez-moi, hein, je vous précise, Alain, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas besoin d'avocat et vous pouvez déposer une requête, c'est complètement gratuit. Et après, le juge vous convoque en Nancy, c'est dans les 12 mois, voilà, et vous ne payez rien. Par contre, si vous avez un avocat, bah, les frais de l'avocat sont à votre charge. Sauf si vous avez des aides, vous pouvez avoir une aide juridictionnelle. La médiation familiale, ça n'a rien à voir avec le prix des consultations d'avocat. Bah, ça dépend de ton salaire. Oui, ça dépend de ton salaire, Katia. Mais vas-y, je t'écoute. Oui, alors en fait, le principe est... Alors, effectivement, il y a une participation financière à la médiation. Ça veut dire que la médiation familiale est payante. Mais en fait, le principe est très simple. Si j'ai un revenu très modeste, la participation est très modeste aussi. Si c'est le contraire, si j'ai gagné au-delà de 7000 euros, une médiation, par exemple, peut coûter très cher. Oui. Je vais donner quelques exemples. Mais toujours moins cher que l'avocat, quand même. Ah ben, ouais, peut-être. Ah ben si, oui, ben si, bien sûr que oui. Alors, si je gagne en dessous du SMIC, une séance de médiation familiale me coûterait 5 euros. Chaque personne. Ouais. Hein, celui qui a. Voilà. Ah ben ça n'est pas beaucoup. Hein. Au RSA ou sans ressources, voilà. C'est 2 euros. Quelqu'un qui gagne en dessous des 1 500 euros, c'est 8 euros. Il y a encore ce. Voilà, et c'est ainsi de suite. Hein, voilà. Il y a une augmentation. Alors, c'est vrai que. Je sens qu'Alain va se marier rien que pour divorcer pas cher. Alors, c'est vrai qu'avec le coût de la vie, nous, maintenant, on avance cet argument pour les personnes, parce que vous disiez, Alain, tout à l'heure, n'importe qui veut aller au tribunal, on lui dit, oulala, prends un avocat pour te défendre. Minimum d'un avocat, vous signez, c'est déjà 500 euros. J'ai rien contre les avocats, puisqu'on travaille avec eux. Alors, nous, on leur dit toujours, venez essayer de vous rencontrer en médiation, ça va vous coûter 8, 10, 20 euros. Venez tenter, voilà, ça vous coûtera voilà, max 20, 30 euros, à peu près la moyenne de ce que les gens payent. Et puis après, vous verrez, vous pourrez dire ben, ça ne me convient pas, c'est n'importe quoi, ça ne va pas, voilà. Mais en tout cas, venez tenter, et maintenant les gens on apprend tous à compter, eh ben, ils viennent. Parce qu'ils se disent, voilà. Et alors, plutôt que d'entrer dans une guerre infinie d'avocats, de justice, c'est mieux, peut-être, au départ, de venir trouver un compromis. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur tout, mais si on se met d'accord sur certains points, on a, nous, des personnes, effectivement, qui se mettent d'accord sur la pension alimentaire, quand chacun dit ce qu'il gagne, on fait ce que coûte un enfant. Quand on s'entend bien, les comptes sont bien faits. Mais dès qu'on s'entend plus, oula! Combien ça coûte un enfant, combien ça coûte le coiffeur, combien ça coûte la bibliothèque, combien ça coûte les baskets, depuis combien de temps on les achète. Voilà, tout ça, c'est combien il mange, il va au sport, voilà. Et alors après, si on arrive à se mettre d'accord là-dessus, eh ben, le juge ben, ce sera tout à fait d'accord. Si, voilà, toi tu me payes 100 euros, moi je paye la cantine, toi tu payes... fait, voilà, et on l'écrit, ça. Si c'est un couple sans enfant, qu'il y a juste le mari et la dame, si la dame ne travaille pas, est-ce que le mari est obligé de verser une pension ? S'il y a eu mariage, oui, parce qu'on c'est une, ça, on doit une pension mariage. De secours. Ouais. S'il y a eu mariage, prestation compensatoire. Sinon, voilà. Qui n'a rien à voir avec la pension alimentaire. Non, prestation compensatoire. Voilà, bah oui, ça, prestation oui. compensatoire. Voilà. Si on est marié, si on n'est pas marié, il n'y a aucune... Et si le mari ne paye pas la pension, il risque d'avoir Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, il s'agit d'une obligation. Des sanctions, bien sûr, oui, tout à fait. Bah, et d'ailleurs, généralement les papas, mais le conjoint qui ne paye pas la pension alimentaire pour ses enfants est punissable de prison. Ça, tout le monde le sait. Comment peut-on vous contacter ? Alors, pour contacter les services de médiation, hein, comme je disais là, on a eu beaucoup d'exemples sur le couple, mais en fait, dès qu'on est en conflit, risque de rupture au sein de sa famille, ça peut être aussi dans une fratrie, etc., vous pouvez tout simplement contacter les services de médiation familiale Arelia au 06 49 93 54 67 ou écrire un mail, c'est le secrétariat.médiation@arelia-6asso.fr ou nous retrouver carrément sur le Facebook, c'est médiation familiale Arelia. Notre service de médiation se trouve le 7 rue du Luxembourg à Vendeuvre et également à Toul, les 1 rue de Mouton. Merci. Merci beaucoup, Katia et Sandrine. Alors, cette émission se termine. Merci à nos invités. Et puis, nous nous retrouvons le mois de prochain si Lionel est là. Et tout de suite, vous allez retrouver votre programme très en forme. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.